comme si on avait des doigts sur les bras. Comme si j'avais des stocks d'amour pour ta mère, planqués dans des hangars immenses. Comme si Spider-Man venait nous sauver, quand les choses dérapent malgré nous. Comme si je n'étais pas toujours là, à vidanger ta boîte à sanglots. On est une famille un peu cassée, un peu décomposé, mais pas encore foutu. Comme si je pouvais tirer ma boue jusqu'aux yeux, comme sur ton dessin avec elle j'ai l'air heureux. Comme en regardant j'ai l'air de rien. Peut-être que je m'en veux un peu. Peut-être même que c'est plus grave que ça. Garde-moi toujours une place par là, pour tous les jours où on se voit pas. Même l'odeur nauséabonde de ton doudou me manque, avec son beau sourire écorché. Cassé, un peu décomposé, mais pas encore foutu. Comme si tous les champs avaient des fleurs, tous les ciels de belles étoiles. Comme si tous nos rêves se réalisaient,